it's a tired refrain. Noise maker, calling me out. Nobody show what you're shouting about. You get ahead. You get ahead. Turn it gold into lead. You get your joy. Deux nouvelles entrées en 20e position de chaque côté. Touage Traffic en anglophone avec Noisemaker. Ça vient de leur album Territory. Et avant ça, il y a eu Vincent Vallière. Et le temps est long. Sa deuxième pièce de son plus récent, Le Monde Tourne Fort. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que Cifo a à vous offrir jusqu'à 20h. On va aller au 19e place tout de suite. On va entendre deux nouvelles pièces. Du côté anglo, c'est Fine Frenzy avec Stood Up. Mais avant, voici Alexandre Desilets et Où Vent Nous Mène. Tout de suite, ah, c'est fou. Allez voir le cifou.ca pour nous écouter en direct sur Internet. Je ressors les coups que tu déploies, comme si mon cœur pouvait les prendre pour apaiser les tourments qui rentrent. Et que je sois au bout de ta clémence, je saurais aller à ta rencontre, chasser les démons et nous sortir de l'ombre. Je m'en vais briser le silence au-delà des mots qu'on veut entendre. J'attendrai que les portes s'ouvrent, qu'ensemble on se découvre en plein coup d'éclat. On oubliera les jours de paix. We stood up. We stood up. And now two of us are well be more. And they'll show up. They'll show up. Yeah, they'll show up. A Fine Frenzy et Stood Up de l'album Bomb in a Birdcage, c'est tout nouveau en 19e position anglophone. Avant, on a entendu Alexandre Desilets et Où vent nous mène, c'est son nouvel extrait d'un futur ACD. Donc ça, c'était les 19e positions. On est rendu au 18e, mais avant ça, je vais vous dire que plus tard dans l'émission, pour ceux qui suivent Assemblage requis avec Kiwan et Mathieu du lundi au jeudi de 15h à 17h, vous savez qu'on est en plein milieu d'une série de Régis Solery, Le Diable dans tous ses états. Il va y avoir une capsule plus tard aujourd'hui dans l'émission d'ici à 20h, donc soyez avec nous pour ça. On s'en va au 18e place en anglophone. C'est la dernière nouvelle entrée de la semaine, The Mannequin avec Miss American. C'est le deuxième extrait de leur album Fino and Bleed. Mais avant ça, voici Valès Pariétaire qui descend directement de la 3e place avec le filet et l'abîme. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou! Au 89.fm. The Mannequin et Miss America, la dernière nouvelle entrée de la semaine, c'est en 18e position anglophone. C'est bien leur CD Final and Bleed ou Final and Bleed. Avant ça, on a entendu Vanessa Parietar qui descend de la 3e position, donc chute de 15 places pour le morceau Le Filet et l'Abîme de leur album La Mer était vide. Sûrement d'autres extraits de Vanessa Parietar. C'était pas le premier, pas le dernier. En tout cas, je me croise les doigts. Avant de passer aux 17e position, je vous rappelle qu'on a un site internet au www.cif.ca, hein, ici à C'est fou. Donc allez-y pour voir le palmarès, pour télécharger des balado-diffusions d'entrevues. On a tellement d'entrevues. Ian Kelly récemment était dans nos studios, donc allez écouter ça sur cif.ca. Et parlant de cif.ca et de Ian Kelly, ben, il y a une émission qui s'appelle Les meilleurs moments de C'est fou qui est diffusée maintenant, les samedis à partir de 14h. Donc soyez à l'écoute demain. Vers les 14h pour entendre les meilleurs moments de C'est fou. Ça, c'est les meilleurs moments de la pilule du lendemain, du dîner de con et d'assemblage requis, nos trois émissions quotidiennes qui ont lieu respectivement à 7h, 11h et 15h du lundi au jeudi. En 17e position anglophone, on trouve Sunset Rubdown qui descend de 7 places avec Elliot Hart. Mais avant ça, voici le nombre qui chute de la 2e place. Ça va pas bien pour certains groupes, hein. Voici Couleur naturelle. Ah, le nombre, j'ai aucune crainte pour eux. Ils vont rebondir assez rapidement. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou! Au 89 FM! Restez avec nous, retour, il y a Sunset Drop Down, Zeus et We Are Wolves dans les palmarès, c'est fou. C'est fou dans... La tête! C'est fou 89.1, la scène émergente. Les palmarès, c'est fou sont une présentation de Kiwan et Mathieu, Assemblage requis. L'émission du retour en pièces détachées, du lundi au jeudi, de 15h à 17h. Thank you. put the telephone down. Can you run as fast as this house will fall when the alarm bell sounds? Now I was never much of a dancer, but I know enough to know you gotta move your idiot body around. Can't settle down until the idiot in your blood settles down. So move around. formation Sunset Rap Down et la pièce Elite Heart qui descend de la 10e position. C'est maintenant en 17e place anglophone. Avant, on a entendu du côté franco Le Nombre avec Couleur Naturelle qui descend de la 2e place avec leur album Ville est fantastique. Vous êtes toujours dans les palmarès Sifu qui est un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. On va sauter par-dessus la 16e position franco qui est stable. C'est Éléphantine avec une clope, un café. Ça joue énormément. Énormément, mais ça descend quand même. Hein? C'est pas grave, on aime ça. Éléphantine, ils vont revenir avec d'autres pièces comme les groupes. La plupart des groupes qui quittent de ces temps-ci sont tellement bons qu'ils n'ont pas le choix de revenir presque. On va aller directement du côté anglo pour entendre Zeus et Marching Through Your Head qui descend de la 4e place. Ça se passe maintenant dans les palmarès C'est fou au 89.fm. You feel it all the time. The way she preys upon your mind. She's a fiend for love, that's all. Body's aching all the time. The way we feel that old red wine. It's a squeeze and you feel it. Living another day in someone else's fantasy. Nothing I can sky. Looking at the clouds and I see you.

C'était la cinquième capsule de la série Le Diable dans tous ses états. Ça continue lundi. Et à partir de lundi, pour le restant de la semaine, donc jusqu'à vendredi prochain, il va y avoir deux capsules par émission. Donc, dans chaque assemblage requis, lundi au jeudi 15h. Et dans Les Palmarès, c'est fou, vendredi prochain. Donc, soyez-y, c'est la suite qui continue jusqu'à l'Halloween. C'est toujours dans Les Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. On est rendu aux 14e position. Du côté anglophone, c'est Steve Hill and the Majestics avec Who Do You Think You Are qui monte de deux places. Mais avant ça, voici Shampoing et Vu que t'es là qui monte de 6. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Apprendre ce qui casse, à laisser passer ce qui passe, parce que je t'attendais. J'ai fait mon temps, gros comme le bras, maintenant je m'enfle la tête, mais pas tant que ça. J'ai beau être brillant, je vois une lumière, encore du noir, mais je vois quand même que t'es là. Que t'es là. On marche ensemble sur le même boulevard. La passion brûle, la gasoline. Le soir venu, on va frencher dans ton char. On va frencher dans ton char. Les pieds m'engourdissent et le cœur aussi. À fumer la paix et à boire la vie. C'est pas nos problèmes, c'est nous-mêmes qu'on fuit. Pis là t'arrives, juste avant je me parle. Des fois je m'endure plus, pis je me comprends pas. La drague me désenfle, pis je me sens comme une merde. Mais ça dure jamais longtemps, vu que t'es là. Vu que t'es là. Girl. Steve Allen, The Majestic, c'est la pièce Who Do You Think You Are qui monte de deux places, c'est en 14e anglophone. Avant ça, il y avait Shampoing et Vu que t'es là qui monte de 6 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. C'est la fin de la première heure des Palmarès, c'est fou, mais restez avec nous parce que plus tard, dans la deuxième heure, il va y avoir la musique de M, les trois accords, Yann Perrault, la pâte à rose, Alice in Chains, de Mars Volta, Pete Yorn et Scott Kiewenson. Restez avec nous! La deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 23 au 29 octobre 2009. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. La deuxième heure commence avec les positions numéro 13. Du côté anglophone, c'est Alice in Chains avec Last of My Mind qui monte d'une place. Avant ça, voici M qui monte de 5 avec Mister Mystère. Dans les Palmarès, c'est fou. L'hiver au ciel de pierre. Mister Mister kiffe la chair glaciale et claire. Mister Mister aime l'éclair qui fend la terre. Mister Mister adhère, possède de sa grand-mère. Mister Mister. Mister, Mister, Mister, Mister. Mister, Mister parcourt les mers et les déserts. Mister, Mister, jambes de fer et œil de verre. Sa glacière. Mister Mister clame des vers dans les water. Mister Mister. Tu gâtes ton Mister Mister. Mister Mister. numéro 13. Alice in Chains et Last of My Mind qui montent d'une place en 13e position anglophone. Avant, c'était M et Mystère Mystère, la pièce titre de son plus récent album, qui monte, elle, de la 18e place. Vous êtes dans les Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Et avant de continuer avec nos prochaines positions, c'est-à-dire les 12e, on va aller faire un petit tour, voir ce qui se passe ailleurs dans les Palmarès. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée, hein? Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, les Palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 électronique et le top 10 loud. Commençons par le premier, le top 30 des CD. Il y a deux nouvelles entrées. En 30e place, History of... Pardon, je vais mettre les H à la bonne place. History of, avec Action in the North Atlantic. En 22e place, on retrouve le nouvel album de Priestess Prior to the Fire. Ensuite, on monte à la 3e position pour retrouver Gregory Pepper and His Problems avec With Trumpets Flaring. Ça monte de 9 places. En 2e, ça monte de 17 positions. You Say Party, We Say Die avec XXXX. Et finalement, en première position, on trouve Band of Skulls qui monte de 2 avec Baby Darling, Dollface Honey. En passant, le numéro 1 de la semaine dernière était Oromocto Diamond avec Le Choc du Futur. C'est descendu en 5e place. Dans le top 3, les disques canadiens maintenant. En 3e position, Gregory Pepper and His Problems avec With Trumpets Flaring. En 2e, You Say Party, We Say Die avec Quadruple X. Hein? Et en première place, Band of Skulls avec Baby Darling, Dollface Honey. C'est donc pareil comme dans le top 30. Les trois premières positions sont exactement pareilles. Dans le top 10 électronique maintenant, 3 nouvelles entrées. En 8e, 1% Free avec 4/7. En 6e, Future Trail avec Breaking New Ground. En 5e, Son of Kick avec Bird Kick. Position numéro 3, ça monte de 2, End avec The Dangerous Class. En 2e, ça monte de 2 aussi, Marcus Kienzel avec Density. Et en première, ça monte aussi de 2, 0/7 avec Yeah Ghost. Tiens, dans le top 10 loud, pour terminer ça, une seule nouvelle entrée. En 10e, L'Esprit du Clan avec L'Enfer, c'est le nôtre. Oui, L'Enfer, c'est la nôtre. Une enfer, peut-être. Hein? En 3e, ça monte de 3, Dying Fetus avec Descent into Depravity. En 2e, ça monte de 5, Muspelheim avec Violent by Design. Et finalement, c'est stable en première place, Endgame par la formation Megadeth. Vous les connaissez peut-être. Peut-être. On est de retour dans notre top 20 franco, top 20 anglo. Hein? On a appelons-le, hein? Le top 40, mais séparé en deux. Et pas vraiment donc un top 40. En position numéro 12 anglophone, ça monte d'une place, c'est de Mars Volta avec Cotopaxi. Bon, ça va attendre tout de suite une pièce qui monte pas du tout et qui ne descend pas non plus parce qu'elle est stable en 12e. Voici L'Amour sommaire de Yann Perrault. Et vous allez remarquer, comment dire un pattern en français? Une petite mode, mettons, qu'on a cette semaine. Les pièces commencent toutes de façon épeurante. Regardez ça, gars. Ouh, c'est des palmarès, c'est fou! Mon 89 FM. J'entends les échos au salon. Le chant de bataille fume. Le son des clairs en pleurs. La lune cachée. L'amour se meurt. C'est la fin de l'amour. Crucifié de bonté perdue. L'amour se meurt. Les vapeurs de pensées flottent. Envahissant de bonté numéro 12. First Volta et Cotopaxi en 12e position anglophone, ça monte d'une place. Ça fait seulement 4 semaines que c'est là, donc ça monte pas rapidement. C'est ce que je veux dire. Ouais. Avant ça, en 14e francophone, 12e francophone, il y avait Yann Perrault et L'Amour se marre, c'est stable. On est rendu au 11e, vous êtes toujours dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Mais non seulement il y a la meilleure musique ici dans les palmarès C'est fou, il y a aussi les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou qui sont diffusées les vendredis matin à partir de 6h30 et les samedis à partir de 14h, donc soyez là demain. Mais commencez donc plus de bonheur tant qu'à être là le samedi, tu sais. Restez là à partir de 10h pour Bonjour Monsieur Mozart. Ensuite, à 13h, il y a l'émission de Matante Frac, c'est le championnat de Jam Débile avec Matante Frac. Et puis à 14h, les meilleurs moments de C'est fou. Hein? Donc soyez-y. C'est demain. Allez voir cifou.ca pour l'horaire complet. On continue les palmarès avec les positions numéro 11 du côté anglophone. Ça monte d'une place. C'est AO de TV Heart Attack. Mais avant ça, voici la Pâte à Rose et Jesse Cock. C'est les palmarès. C'est fou, 89. We'll be right back. Après la pause, Stevie Heart Attack, Pete Yorn, Scarlett Johansson et les trois accords. Numéro 11. She only calls when she's feeling down, trying to find her way out. It only hurts when I'm not around, I'm looking for my way out. She said, I'm afraid to see your face again. De la formation TV Heart Attack, c'est en 11e position anglophone, ça monte d'une place. Avant ça, on a entendu du côté franco La Patate Rose et Jesse Cox, ça monte de 6 positions. Tranquillement, pas vite, ça fait son chemin vers le numéro 1. La Patate Rose, 5, parce que c'est bon, donc ça monte. C'est, dans le fond, les palmarès C'est Fou, c'est ce que les animateurs de C'est Fou aiment le plus, donc ça monte, ça descend, ça varie. Ils aiment ça, les animateurs de C'est Fou, jouer du palmarès. Donc écoutez-les, allez voir le site.ca pour en savoir plus sur la programmation de C'est Fou. En 10e position anglophone, on trouve une de mes pièces préférées en ce moment sur le palmarès, c'est Relator par Pete Yorn et Scarlett Johansson. Ça monte de 8 places. Ça fait 2 semaines que c'est là, donc ça franchit pas mal la moitié du palmarès d'un seul coup. Avant ça, du côté franco, voici les trois accords et une autre pièce qui monte très rapidement. Ça monte de la 19e place. Voici le bureau du médecin. Vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89 FM. Maison. Dis-moi, si beau que ma jaquette bleue fait ressortir mes yeux dans le bon sens du mot. You don't respect to me, no girl. And you Relator par Pete Yorn et Scarlett Johansson, c'est en 10e position anglophone, ça monte de 8 places. C'était nouveau la semaine dernière, donc ça monte beaucoup parce que c'est très très bon. Juste avant, on a entendu les trois accords avec le Bureau du médecin qui monte de 9 places. Ça aussi, c'est nouveau la semaine dernière, donc ça aussi, c'est bon. Mais tout est bon, là, le palmarès, c'est fou. Bon, avant de continuer avec les positions numéro 9, voici ce qui s'en vient lundi à Assemblage Requis. Ce lundi à Assemblage Requis. Bien plus que c'est la semaine de relâche et que la plupart de nos chroniqueurs sont étudiants, on a décidé d'accepter n'importe qui. Hey, Walkie Walkie, tu te réveilles que la dernière fois qu'on a essayé ça, on s'est retrouvé avec un sans-abri qui faisait un spectacle de marionnettes. C'est vrai que les marionnettes à radio, c'est ordinaire. Soyez-y lundi et on verra dès 15h. C'est ce qui s'en vient lundi à Assemblage Requis avec Kiwan et moi-même Mathieu Plante. Continuons avec ton 9e position du côté anglophone. On va entendre Spiral Beach et Mego Round in a Mania. Mais avant ça, voici nos amis au Pakistan. Et Imbastringra. Faites-vous aller les hanches puis la poitrine. C'est les palmarès, c'est fou. Broken bottles. Ah, j'adore l'émission de ce soir. C'est tellement bon, la musique qui joue dans les palmarès. C'est fou. Make Around the Mania par Spiral Beach, c'est stable en 9e. Avant ça, on a entendu avant, hein, tantôt. Hein? Imbras Tingra par nos amis au Pakistan, ça monte de la 14e place. On avance. Allez voir le www.cif.ca pour en savoir plus sur le palmarès et pour télécharger les balado-diffusions de toutes les entrevues qu'on a eues dans nos émissions quotidiennes, entre autres. On parle de la pilule du lendemain à 7h. Du dîner de con à 11h et d'assemblage requis à 15h. En passant, si vous avez raté certains de ces bons moments, il n'y a pas juste les balado-diffusions qui sont disponibles, non, il y a aussi l'émission Les meilleurs moments de C'est fou qui est diffusée demain, samedi, à 14h. Soyez à l'écoute juste après le championnat de Jam Débile de Matt on Track qui commence à 13h. Donc, on est rendu aux positions numéro 8. Du côté anglo, c'est DJ Champion avec Alive Again qui monte de la 17e place. Wow, gros bon. Mais avant ça, voici les Fatal Picards. Et c'est l'histoire d'une meuf. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou! À l'antenne du 89.1 FM. Dans une minute, ça va être à toi. Tu trembles un peu, mais pas tant que ça. Dans le refrain de Santiano, c'est toi qui chantes le premier. C'est quand même pas normal que cette année tu ne sois jamais passé à la méthode Coé. Entre ton album en hommage à Barbe Livien et ta reprise d'Antisocial avec Muriel Robin, cette année, ça va pas se passer comme ça. D'abord t'as un micro ring pour toi, tu sais exactement où sont les caméras. En plus t'as même couché avec Palmarella. T'espères au moins qu'on te voit bien, t'espères au moins qu'on te cadre bien, t'espères au moins que sur le refrain qui tient Mimi Mati par la main. Cette année, c'est l'année de ta vie. T'as kidnappé Cabrel, Obispo et Fiori. Avec la moustache, le crâne rasé, l'accent corse. Même Goldman saura enfin qui est le boss. Oui, depuis aujourd'hui, c'est ton année à toi. T'as injecté Azenate, une seringue d'Ebola. T'as offert de l'anthrax à Hélène Segarra. Et s'il faut aller jusque-là, tu partageras la loge d'Elsa. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on t'aime bien. T'espères au moins que sur le refrain, qui tient, oui, les gars, ou par la main. Toi, tu files un vrai rancard à ceux qui, comme toi, sont plus rien. Sans actualité, sans médias, sans public, sans rien. T'espères au moins qu'on te voit bien. T'espères au moins qu'on te paye bien. T'espères au moins que sur le refrain, c'est toi qui tiens Coluche par la main. Numéro 8. You're driving me. DJ Champion est alive again en 8e place anglophone. Ça monte de la 17e. Mais avant ça, on a entendu les Fatal Picard. Et c'est l'histoire d'une meuf qui, elle, est stable de son côté tout à fait francophone. C'est un album, Le Sens de la Gravité. Vous êtes toujours dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On est ensemble jusqu'à 20h. À 20h, ça va être l'île de l'enfer, comme toujours. Hein? Pourquoi pas écouter ça à partir de 20h? En passant, ben, moi, Mathieu Plante, et mon bon ami Kiwan, on anime ensemble Assemblage requis. Donc, soyez-y du lundi au jeudi de 15h à 17h. C'est super le fun. On a plein de chroniqueurs vraiment génial. On a François Landry qui parle de politique. On a Simon Fitzbay qui parle des mythes du rock'n'roll. Émilie Gauthier fait sa chronique plein air. Sébastien Dulude a ses sorties culturelles alternatives. Maxime Lemulaire-Amé nous dévoile ses suggestions musicales à télécharger. On a aussi les petites mythologies de Martin Bertrand. On a Régis Solerie la semaine prochaine, une capsule par jour toute la semaine, ou même deux par jour. C'est vrai, deux par jour sur le diable dans tous ses états. Et on a bien sûr les deux hurluberlus, je dirais, de Vidéo dans la question, si c'est Mathieu Saint-Onge, Gilles Carchambault. Donc tout ça, c'est à Assemblage requis du lundi au jeudi de 15h à 17h. Soyez là, aloha! On est rendu au 7e place du côté anglophone. C'est Metric avec Gold Guns Girls qui descend de la première position. Mais avant ça, voici Chinatown et Penelope qui monte de la 11e. Vous êtes bien dans les palmarès, c'est fou, ouais. 89.1 FM, quoi dire de plus, ça? L'ancien numéro anglophone est maintenant en 7e place. C'est Metric avec Gold Guns Girls. Avant ça, il y avait Chinatown et Penelope qui montaient de la 11e place. Nous, c'est la fin de la 2e heure des palmarès, mais dans quelques minutes à peine, il y aura une 3e heure avec les positions 6 à 1. On va savoir qui sont nos peut-être nouveaux numéros 1 de chaque côté. On sait pas. Fred Fortin, Bernard Adamus, Mimi Van Der Loo, You Say Party We Say Like, Gregory Pepper, Stan Waltz, c'est là! C'est fou! Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou pour la semaine du 23 au 29 octobre. C'est la 3e heure qui débute. Tout à l'heure, on a appris que notre numéro 1 de la semaine passée du côté anglophone est rendu en 7e. Et là, on va apprendre en quelques secondes à peine que le numéro 1 francophone est aussi descendu. Il est en 6e, c'est ce qu'on va aller entendre dans quelques secondes. Ariel avec Faux Filet suivra Marcy Playground et Blackbird qui montent de 2 places. Vous êtes assez fou. 89 FM. Blackbird came to me. She sang her yeah, she sang. I promise you I won't fly away. Blackbird, tell no lies. Blackbird, you caught my eye, but the rain has taught me that you will fly. Just as soon as the skies turn gray. Thank you, rain. Thank you, rain. Wash away all my pain. Clouds, beautiful skies today. You'll chase them until your dying day. Thank you, rain. Thank you, rain. Merci à la pluie, hein. Quel beau message aujourd'hui avec la neige et tout ça. On parlera pas de météo. Marcy Playground avec Blackbird qui monte de deux places, c'est en sixième anglophone. Avant, il y avait Ariel et Faux Filet qui est lancé numéro 1. Donc, on a deux nouveaux numéro 1, deux numéros 1, qu'on pourrait dire. Hein. Avant de passer au cinquième place, je vous rappelle le site internet des Palmarès C'est fou, c'est au www.assemblagerequis.com. Là-dessus, il y a la balado-diffusion de chacune des émissions. Il y a les liens de ce qu'on discute dans Assemblage Requis, dans les Palmarès C'est fou, dans le porte à gauche, chez X.zip. Tout ça, c'est directement sur assemblagerequis.com. Et puis le site de C'est fou, c'est cfou.ca. Donc retenez tout ça dans votre belle petite tête, tellement sex-hair. Du côté anglophone, le numéro 2 est rendu en 5e place, c'est Oromocto Diamond avec The Last Diamond in the Cave. Mais avant, c'est les Maléchés, voici la taverne d'à côté. Vous êtes au Palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Juste à côté de la job, y'a la taverne des Maléchés. C'est pas ben, ben propre, c'est mal éclairé. Stanley, toujours là, ben pacté. Mais nous autres, ça nous va rien, c'est pas pour ça qu'on y va, on y va, c'est parce qu'on aime ça. Gardez le cul à José. Une vieille horloge, la mosse, nous dit quand il est l'heure de farmer. Une vieille table de boule avec le tapis déchiré. Un jeu d'or inutile, prendre la poussière dans un coin. Y'a rien qui sait qu'on est bien. C'est pas une place pour les faunés. Un, deux, trois. Si tu cherches la bataille, c'est ici que tu vas trouver. Les gars assis au comptoir sont pas là pour se faire achaler. Ils viennent prendre le bière après leur grosse journée. ils l'ont bien mérité. La place commence à chauffer, gros deux vient d'arriver. C'est lui qui vend de la poudre, il travaille pour t'aider. Certains soldats l'arrachent, vendraient le vin pour 25 piastres pour se poudrer le nez. C'est pour ça qu'on y va. Ben, c'est bien simple. C'est parce qu'on aime ça. Numéro 5. Mokto Diamond et The Last Diamond in the Cave. Cinquième position anglophone, ça descend de trois places. Avant, on a entendu Les Maléchés et La Taverne à côté, ça monte de deux places avec leur album Dans le Garage. Les Maléchés qui étaient en entrevue ici à C'est Fou il y a quelques semaines de ça, allez retrouver la balado-diffusion sur le www.cfou.ca. C'était dans l'émission Le Dîner de Con. Le Lunch of the Stupid Idiots. Position numéro 4. Du côté anglophone, ça monte d'une place. C'est Standing Walls avec In My Nightmare. Mais avant ça, voici Mimi Van Der Glo qui est stable. Avec Karting Chrétien, vous êtes dans les palmarès. C'est fou au 89 FM.

Standing Waltz et In My Nightmare en quatrième position anglophone, ça monte d'une place. Cette pièce-là, je l'entends dans mes rêves, pas dans mes cauchemars. Avant ça, on a entendu Mimi Van Der Glo avec Karting Chrétien, une autre très bonne pièce. C'est Stable en quatrième, donc de l'album Rador, formation locale. Mimi Van Der Glo qu'on adore. Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou, qui est un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Toujours la semaine du 23 au 29 octobre 2009. Et encore une fois, je vous rappelle que demain à 14h, c'est les meilleurs moments de c'est fou qui commencent. Donc soyez-y pour avoir les meilleurs extraits, les meilleures entrevues, les meilleures chroniques, les meilleurs sujets abordés dans les trois émissions quotidiennes de c'est fou, c'est-à-dire la pilule du lendemain qui est de 7h à 9h du lundi au jeudi. Ensuite, de 11h à 13h, il y a le dîner de con. Et puis de 15h à 17h, c'est moi et Kiwan qui animons Assemblage requis. Tout ça donc du lundi au jeudi. Puis l'émission des meilleurs moments, c'est demain samedi à 14h. Soyez-y et allez voir le cfou.ca pour plus d'informations sur la grille horaire de votre Radio Campus à Trois-Rivières. Hein? Bon. On est rendu aux troisième position. Du côté anglophone, ça monte de la 11e place. C'est I Was a John par la formation Gregory Pepper and His Problems. Mais avant, voici Fred Fortin et La Merveille Masquée. Ça monte directement de la 10e, 4e semaine de présence. Ça a repris que très peu de temps pour se ramasser dans le top 3 du côté francophone. Donc Fred Fortin tout de suite dans les palmarès, c'est fou! Je te dis qu'à de leur pentagone, mais je l'avoue qui se promène entre tes beaux dentiers. As-tu ben dit framboise et pomme? Pas trop compris, mais c'est ce que j'ai cru décoder. Ça c'est de la pentagone. Elle emmène tout un train talent, la reine de ton père, les sucrés, sa majesté. Des choses à quoi se pose qui a des ranges, comme parler puis promener, ça gomme entre ses beaux dentiers. Ça c'est de la bande, c'est comme ça c'est de la bande, c'est comme t'as les yeux dans mes trous quand une ballonne te pète sur le nez. Ça pourrait être la chance pour un jaloux de s'approcher et de surprendre la merveille masquée. Fortin, La Merveille Masquée qui monte de la 10e à la 3e place francophone. Au retour de la pause, il y a Gregory Pepper and His Problems, Band of Skulls, You Say Party, We Say Die, Bernard Adamus et Flat. Qui seront nos numéros 1? C'est ce qu'il va falloir attendre pour le savoir. Mais avant ça, voici ce qui s'en vient lundi à Assemblage Requis. C'est fou de... dans ta face. 89-1-1-1. Numéro 3. Shut up. Une des pièces phares de C'est fou en ce moment, c'est Gregory Pepper and His Problems avec le morceau I Was John. Ça monte de la 11e à la 3e place. L'album s'appelle Gregory Pepper and His Problems with Trumpets Flaring. Hein. Avant ça, du numéro du côté francophone, oui, le numéro 3 monte de cette place, La Merveille Masquée, Toon pour qui? Léonie, je crois. Ça vient de Fred Fortin. Vous êtes toujours dans les palmarès, c'est fou. L'émission continue. Elle file comme du sable dans les mains, dans un carré de sable pour un enfant, quelque chose de genre d'analogie. Faites votre propre analogie, finalement. Hein? C'est comme une émission dont vous êtes le héros, finalement. On est rendu aux positions numéro 2. Du côté anglophone, ça monte à wow! De 17 places d'un coup sec. C'était nouveau la semaine dernière. C'est There's Love Within My Heart par You, c'est Party, oui, c'est Die. Alors ça, voici Flat. Et elle monte de 11 places, donc c'est quand même pas mal. Voici Technicolor. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est pour vous offrir au 89.1 FM. I have to fight. You say party, we say die avec There's Love Within My Heart. Ça monte directement de la 19e à la 2e, donc un bon 17 places en seulement 2 semaines, donc c'était nouveau la semaine dernière. Avant, on a entendu Flat et Technicolor qui montent de la 13e, quand même aussi impressionnant. Ça monte donc de 11 places, oui, ça vient de leur album Bande Maîtresse. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, jusqu'à 20h, donc pour encore une petite vingtaine ou une grosse quinzaine, dépend de minutes. Hein? Ça va être l'invité de l'enfer à 20h. On va l'entendre tout de suite au numéro 1. Et je crois pouvoir prédire que tantôt on va avoir du temps pour revenir en arrière à des positions qu'on avait sautées du côté francophone. Donc, restez avec nous pour ça. Sinon, ben je pense que ça va être le moment des jeux de mots. Parce qu'on est rendu au numéro 1. C'est pas que ça me tente. Je suis pas en feu pour les jeux de mots. Un peu. Fires. De Band of Scores. C'est pas un jeu de mots qui vaut 100$. Comme la question à 100$ de Bernard Adamus. Ouais, c'est... Au moins, j'ai dit que j'étais pas en feu. C'est des jeux de mots. Et c'est le numéro 1, ou pas le massif. C'est bien tranquille, la histe menace soir. Du Claude à 5, du rouge pendant que je bois du noir. C'est la démence vasculaire, t'es fouéré des sauts fond, ça comme des vieilles sacoches. Du Claude en marre bien pas. L'enfer du dollar, les 30 cents de fond de poche. Pas de lumière sur le sentier, pas de flamme au bout de ta torche. La question est proche, mais la réponse est pareille. Hey, c'est moi qui hallucine, ou ben c'est le fond de bouteille. Du Claude appogne le téléphone, puis elle appelle son homme. Elle dit, c'est mon voisin que je t'aime, j'ai pas une maudite scène. L'hiver va être long cette année, j'suis cassé, ben raide. Cherche tout bas du côté, du mousse qui est un peu de blé. Image des croûtes de pain blanc qui fume de la feuille. Il cherche une gueule de fin de mois. Arrondir, qu'est-ce qu'il y a pour l'autre bord de la fête? C'est la tempête qui arrive, les flots font la fête. Il y a des rêves en boucan, puis des remords de bonnes femmes. S'accroche ses 30 trop tôt, la musique perd de son charme. La question est proche, mais la réponse est pareille. Tu cherches de quoi est magique, est-ce que tu vas te mettre dans les oreilles? Trentaine d'années dans le corps, avec un disco sur le dos. On s'entend, tu pas le Père Noël, tu vois sortir du métro. L'hiver va te long cette année, il est cassé, ben raide. Il cherche tout bas du côté, c'est mousse qui est un peu de blé. Je sais pas faire grand chose à part chanter des rengaines pis dire aux filles que je les aime. Une saison slush de bouette, de ganou pis de frette. Une chance j'ai ma bonne femme pour s'élever avec. Elle a des beaux bras de ciel, solides comme le fer. The girl that I love got long black curly hair. Ça lingera pour aujourd'hui, j'étais curé de chanter comme hier. C'est crétaine de même, mais ton sourire me rend fier. La question approche, est-ce que la réponse s'en vient? Ton odeur à maison, vas-tu être là demain? J'étais à quatre pattes dans la cuisine en train de shiner le carrelage. Des jardins dans le tapis, c'est qui la femme de ménage? Je t'avais de me péter les dents. l'avant. Fais moins 20 à matin, coin Berville, Rosemont. Y'a la job qui m'appelle pour t'accoler ta maison. Ça n'est que soleil brille, ces plages de maté. La bière coule à flot dans les ports de CV. J'suis comme un enfant fou qui compte ses billes. Et regarde, j'suis comme un malade dans un allée de cueil. La question approche, elle me bourdonne des oreilles. Si j'veux du miel, faut-tu vraiment j'fasse comme l'abeille? Là, c'est soir de chaud, toutes les vagues débordent. Des 5 piastres à la porte pour le gars classico. Position. Baby, darling, darling. Le grand numéro 1 anglophone, c'est Fires the Band of Skulls avec leur album Baby Darling Doll Face Sunny. Et carré que ça a monté, ça! 8e semaine, ça a pris quand même du temps à monter. C'est surprenant pour une pièce comme celle-là qui est tellement bonne. Avant ça, du côté franco, on a entendu Bernard Adamus qui a monté de la 9e position. Ça a pris seulement 5 semaines. Par contre, pour se rendre au numéro 1, la question à 100$ et le nom de la pièce est Brun et le nom de l'album. C'est déjà presque la fin de l'émission. À peine assez de temps pour se passer quelques pièces qu'on avait sautées tantôt. On va commencer par la position numéro 16 francophone. Elle était stable. Voici Éléphantine et une clope, un café. Oh, pas mal, c'est fou. La position numéro 16 du côté francophone Éléphantine, une clope, un café. C'était un retour en arrière parce qu'on a terminé le palmarès. Et bien, c'est la fin de l'émission aussi. Moi, je vous retrouve lundi avec Célix Poésie à 10h. On va récapituler les chroniques Célix de la semaine du 19 octobre. Il y a le fil, Monsieur Truc, les mésaventures de Mathieu et Gogo Gadget. Et puis, à 15h, ce sera l'assemblage requis avec moi et Kiwan. C'est les lutins d'enfer qui vont suivre à partir de 20h. Donc, restez là. Et je vous rappelle que demain, à 14h, c'est l'émission Les meilleurs moments de C'est fou. Donc, les meilleurs moments de la pilule du lendemain, du net con et d'assemblage requis. On a un seul et même petit paquet cadeau. Donc, c'est tout sympathique et c'est demain, samedi, à 14h. On se quitte avec une dernière pièce, rapidement. C'est la 15e position francophone, le roi poisson et chien galeux. À la semaine prochaine. Bye bye. chien galeux, les chats de gouttière sont merveilleux dans leur misère. Et je suis fou d'eux, les chiens galeux. C'est qu'il se passe.